CIBL 101.5. Eh bien, il est 8h11 et en janvier prochain, donc en janvier 2013, il y a Disney qui va nous proposer la première princesse d'origine latino-latina, la princesse Sophia. Et on en discute à l'instant avec Annick Mani. Elle est auteure du blog Mi Figue Mi Raisin. Bonjour Annick. Bonjour. Eh bien, en novembre 2012, donc tout récemment, Disney a lancé la série télé Sophia the First, Sophia la première, pour introduire le personnage de Sophia à son jeune public. Et comme tu l'as mentionné, en janvier 2013, Sophia the First fera son apparition dans les salles de cinéma. La raison pour laquelle je vous parle de Sophia ce matin, c'est très simple. La nouvelle princesse de Disney a été vraiment un sujet de controverse au sein de la communauté latino-américaine. Ah oui? Parce que lorsqu'on prend le temps de lire le synopsis, on constate que la mère de Sophia est née dans un pays similaire à l'Espagne. Et son père, par contre, est né dans un pays scandinave. Alors, plusieurs ont cru qu'on avait affaire à la première princesse latino-américaine. Mais là, scandale! Sophia est blonde, elle a les yeux bleus et elle a le teint clair. J'ai la photo juste là, puis ouais, moi j'ai fait... Ben, OK. Donc, dans l'affaire Sophia, Disney s'est rapidement défendu en spécifiant qu'il n'y avait aucun personnage latino dans le film ou la série Sophia the First, malheureusement. L'univers de Sophia, dit-on, est purement fictif et il s'agit d'un simple conte de fées et surtout... Le producteur fautif dans l'histoire avait fait une erreur en comparant la mère de Sophia, la reine Miranda, à une latine. Donc... C'est le producteur directement. C'est le producteur directement qui a commis une erreur en présentant le personnage de la mère de Sophia venant d'un pays lointain, semblable à l'Espagne. De là, la controverse. En même temps, Disney, depuis plusieurs années, a introduit dans ses films ou ses séries de plus en plus de diversité culturelle. Oui, mais aucun personnage latino-américain, ce qui est quand même particulier parce que... Ben, surtout aux États-Unis. On s'entend que, surtout aux États-Unis, la majorité des immigrants, ou même la troisième langue presque officielle, c'est l'espagnol et toujours pas de princesse latina. Parce qu'on a eu Mulan. On a eu Mulan, on a eu également Jasmine. Donc, on a eu des dans Arabes. Dans Aladdin, oui, Aladdin, oui, dans Jasmine. Aladdin, exactement. On a Pocahontas. Eu Pocahontas, autochtone, et Tiana, tout récemment aussi, princesse noire de la Louisiane, la Nouvelle-Orléans aussi. Donc, c'est un secret pour personne. Disney a aussi été critiqué par rapport à la façon dont les divers groupes culturels sont dépeints, parce que c'était souvent, à travers les années, il y a eu beaucoup de personnages qui frôlaient la caricature. Lorsqu'on remonte au premier film de Disney, par exemple, les communautés noires américaines, donc avec Mickey Mouse qui dansait, donc il y avait vraiment cette image un peu stéréotypée de la communauté noire. Même chose pour les Asiatiques. Souvent, les personnages étaient très caricaturaux. Alors, ils ont souvent été critiqués. Maintenant, vous voyez l'émotion que j'ai en parlant de Disney. Ton cœur d'enfant ressort. Exactement. Annie. Donc, honnêtement, avec la controverse autour de Sophia la princesse latino, on réalise à quel point les émissions et les films jeunesse sont des modèles vraiment importants en matière d'acceptation et d'intégration des minorités visibles. Ça doit vraiment passer par les enfants. Et c'est vraiment, honnêtement, je trouve que c'est un modèle vraiment intéressant parce que je me souviens personnellement où est-ce qu'on a annoncé la venue de la première princesse noire, Tiana. Le film n'a pas vraiment été à la hauteur de mes attentes. Là, on s'entend que ce n'était pas particulièrement bon comme film, aucune musique entraînante, là, pas comme dans La Petite Sirène, est-ce qu'on a envie de danser tout au long du film. Là. Mais non, malheureusement, j'ai été déçue. Mais j'ai quand même été extrêmement excitée lorsque j'étais assise dans la salle. J'étais retombée en enfance. Honnêtement, j'avais la chance d'avoir enfin une princesse qui allait me ressembler, qui allait être à mon image. Alors, il y a ça aussi, Disney conserve quand même cette image féerique auprès de tous les enfants, de toutes les nationalités. Mais c'est dommage d'y aller dans un côté un peu très stéréotypé. Mmh. Parce que quand on pense à Pocahontas, c'est quand même tout au long du film, presque tout nu, puis ses amis aussi, puis Mulan, même chose. Parce que on se retrouve dans un décor d'origine autochtone. Autochtone. Et ils vont vraiment dans un univers qui tombe dans le cliché, là, on doit dire. Dans la même lignée, par contre, je dois saluer bien bas des pionniers comme Sesame Street, qui ont toujours fait preuve d'ouverture d'esprit. Pour les gens qui connaissent Sesame Street, donc c'est une émission pour enfants qui date des années 70. Et dès les années 70, ils mettaient de l'avant des familles mixtes et des enfants de toutes les origines dans différents contextes, donc dans différentes mises en scène. Et on peut pas vraiment dire la même chose de Passepartout de notre côté. Tout le monde se rappellera de... Comment il s'appelait le petit personnage noir, là, la marionnette? C'était Doualé. Oui, exactement. Doualé. Donc, on s'entend que c'était vraiment le comble de la caricature, là. je dois dire c'était, que c'était pas... C'était du blackface en styromousse. Oui. Alors, je vous laisse t'as l'imagination. Pas connu, t'as pas connu Passepartout, non, Roberto? Non, moi, j'ai pas vu. Ah, non. Trop jeune. Par contre, j'ai quand même fait l'exercice de me réveiller tôt le matin, comme quand j'avais entre 5 et 10 ans, je dois dire, à Radio-Canada et à Télé-Québec pour écouter les dessins animés qui sont maintenant à les proposer aux enfants. Et je dois dire qu'ils se sont améliorés. Honnêtement, ah oui, il y a de plus en plus de personnages qui sont issus de la minorité. Par exemple, je pense à Lou. Lou est blond, mais sa meilleure amie est noire. Et elle est noire, puis elle est cool. Alors, je dois bien le préciser. Alors, j'aime bien l'effort qui est amené par rapport à Télé-Québec et à Radio-Canada pour présenter un peu plus de diversité. Au final, je pense qu'il faut favoriser le rapprochement des cultures et on gagne à ponctuer de couleurs l'imaginaire de nos enfants. Merci beaucoup, Annick. On invite les auditeurs à te lire aussi sur ton blog, Mes figues, mes raisins, annickmani.wordpress.com. Donc, Annick, A-N-I-K, Mani.wordpress.com. Merci. À la prochaine.